L'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen pour la Journée du Soleil est inaugurée le 6 courant à Moscou, Russie. Dans la salle d'exposition étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient exhibées les photos montrant la vie révolutionnaire sacrée et les exploits des grands leaders et les activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. Y étaient également exposées les œuvres classiques des grands hommes Baek-tusan, les livres, les photos, les timbres qui présentent la Corée et les objets d'artisanat témoins de l'intelligence et du talent de la nation coréenne. Y ont pris part les personnalités des milieux politiques et sociaux, les membres des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, les intéressés de la presse écrite et parlée, ainsi que l'ambassadeur coréen en Russie et ses collaborateurs. Les participants ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders avant de leur rendre hommage. Par ailleurs, l'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen pour la Journée du Soleil est ouverte aussi le 11 courant à Saint-Pétersbourg, Russie.